Salut Rodrigue. Philippe, tu es à Messerie ? Non, pas du tout. Là, je suis retourné sur Strasbourg. On était à Messerie pendant 7 jours avec la famille. On a tout partagé sauf le Covid. Donc c'est bien. C'est bien. Bah, toi, tu crains plus grand-chose maintenant. Oui, mais les autres non plus ne se sont pas manifestés comme étant... Pas pour l'instant. T'es revenu quand ? Oui, c'est ça, oui. T'es plein d'espérance, là, Claude. Non, je suis assez réaliste. Bon, bah bonjour à tous les deux. Là, voilà, je commence l'enregistrement. Et comment se fait-il que tu aies ton anorak sur le dos, Rodrigue ? Puisque j'ai un petit peu une avalanche de famille et j'avais planifié d'aller dehors avec les petits. Mais, et à vrai dire, j'avais un tout petit peu oublié qu'on avait une petite séance téléphonique maintenant. Ah, d'accord, voilà. Et vous voir, c'est un vrai cas, ça me fait très très plaisir. Ah ben oui, ben, la prochaine fois, on veut te voir avec les skis et le bonnet. Ah oui, oui, oui. Ben ouais, comme ça sera complet, quoi. Excellent. Mais bon, c'est comme ça avec la famille. On ne sait jamais trop quand, quoi, où, et tout d'un coup, boum. Et alors voilà. C'est... Donc, si peut-être... Je n'ai pas trop long, puisque je dois aussi un petit peu m'occuper d'eux. Voilà, c'est ça. Mais pour le reste, tout se passe bien. Oh, alors c'est super. Quelle jolie lumière derrière toi, Claude. Alors, attends, je m'en vais. Ça, c'est le port de Saint-Goustan, la nuit. D'accord. Il est beau, hein. Magnifique. C'était une photo que je voulais vous montrer la dernière fois, mais ça marchait pas. Alors depuis, je me suis un peu perfectionné. J'ai acheté une webcam. Est-ce que vous me voyez bien ? Oui, tout à fait. Bon, voilà. Reste allumé toute la nuit comme ça. Hein ? Ah oui, toute la nuit, et tu passes même maintenant, c'est encore allumé maintenant, et comme ça tu rentres dans la nuit tranquillement avec tous les bateaux, mais je vous en montrerai d'autres, parce que j'en ai fait d'autres. C'est magnifique. Voilà. Il faudrait que je retrouve pour moi, parce que là moi je vous montre le chauffe-eau qui est juste au-dessus de ma tête. Oui. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous. Ben, c'est pas mal, on voit que tu as une belle chaudière. Oui, c'est ça. Elle fonctionne parce que avant qu'on parte, elle a été réparée juste avant qu'on s'en aille sur le Léman et elle a marché. Bon. Donc c'est bien. Il y a un moment qu'il faut les réparer, hein, juste avant de partir. C'est comme ça. C'est ça. Oh, sympa. Mais je vais trouver comment mettre d'autres photos derrière moi là, parce que c'est vrai que là, c'est peux, intéressant. Hein, sur Skype, tu peux faire plein de choses. Oui. Bon, alors, aujourd'hui, on doit travailler on doit travailler sur quelque chose qui n'était pas facile, pour moi. Hein ? C'est ça. Et le thème de notre travail d'aujourd'hui, eh bien, c'est les signes d'interpellation du jardin merveilleux. C'est toi, Philippe, qui a eu cette redoutable idée. Redoutable, oui. Ouais. Alors, je pense que tu vas ouvrir le feu, et puis on passera la parole après à Rodrigue, parce que moi j'ai fait un travail un petit peu particulier, alors je ne voudrais pas vous perturber avec mes trucs, voilà. D'accord. Bon, de toute façon, je pense que ça va être un peu... C'est bien comme le sujet est quand même assez lourd, parce que c'est un regard sur l'avenir. C'est un regard sur comment on va se faire percevoir, en fait, sur ce jardin. Et bon, j'ai mis pas mal d'idées sur le Dropbox Paper. Hein, ah, j'ai pas vu, il m'a rien dit. Chapitre bonnes idées. Bah, normalement, si vous êtes sur le paper et que vous avez gardé les notifications, vous deviez être averti qu'il y avait des choses qui s'étaient inscrites. Je n'ai pas été averti. Et pourtant, bon. Je suis sur le paper, mais bon. Je ne l'ai pas regardé non plus, mais... Non, mais normalement, on doit recevoir un mail qui te dit, voilà, Philippe a causé sur Pepper. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai rien reçu. Je reçois quand j'ai causé, je reçois quand, quand d'autres ont causé, comme, comme toi il y a quelques temps déjà, et ouais. comme Stéphane aussi, qui avait causé dessus. Ouais. Et pour l'instant, bah, il n'y a que moi qui écris. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'il y a un coq dans une basse-cour ? C'est toi, Rodrigue, qui a une basse-cour ? Ouais, excuse-moi. Non, mais t'excuses pas, c'est vachement bien. Hein. Et tu devrais le prendre avec toi dans la pièce, le coq. Ah, fais voir. Ouais. Il est là. Ouais. Ah, mais c'est bien. Ils n'ont pas froid. Non, je les mets au garage la nuit, puisqu'il a fait moins 8 cette nuit. Ah, d'accord. Alors... Ah, mais je croyais. Il chante souvent, ce coq. Je croyais que tu les avais mis dans ton salon, parce qu'on aurait dit là, comme ça. Mais bon. Voilà, je me mets ailleurs, parce que c'était devant la cuisine. Mais il y a fort vent ici, il fait très froid. Ouais. Et, alors, voilà, je les mets le soir, la nuit dans le garage, et le jour, je les laisse devant la cuisine. Bon. Mais c'est pas, ils picotent comme là, contre la porte, quand ils ont faim, et puis alors on leur donne un peu les restes. Voilà, puis, ça c'est bien. Et tu vas les manger quand, pour le premier de l'an? Alors ça, non, les gardes, ils font, sont des poules naines et ils font des tout petits œufs. C'est, ah, ils sont très bons. D'accord. J'ai nourri bio, alors j'ai pas de saleté dans les œufs. Et puis non, c'est très sympa les petits animaux comme ça. Bon. Ça amène un peu de vie dans ce temps de Covid. Exactement. Exactement. Bon alors, qui ouvre le feu? C'est toi, Philippe? Alors, on y va. Ben, j'avais commencé, hein, mais... Alors, je dirais que... Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir me pencher un peu sur, le, sur la chose, comme vous pensez qu'à partir du moment où on a la famille à la maison, eh ben, on est pris à droite et à gauche et par les, la génération petite et puis la génération, sans compter nos parents, qui, ça fait déjà deux fois qu'elle part à l'hôpital et qu'elle revient, pour ma belle-mère. Oh. Donc, c'est un peu... C'est chaud, quoi. On est un peu tiré d'un côté et de l'autre. Alors, ce qui n'empêche qu'à un moment, je me suis quand même posé pour réfléchir sur, sur ces signes d'interpellation. En fait, c'est... Je vais essayer de reposer la question. Qu'est-ce qui montrerait ce projet comme un inédit, au-delà de la simple innovation technologique ou du scoop économique ou scientifique? Voilà, déjà. Un projet, jusqu'à présent, ça se fait, ça se communique par, par les médias, avec pas mal de renforts là-dessus, essayer de trouver des journalistes qui, de trouver des supports sur les réseaux sociaux qui fassent que, mais en fait, on rentre dans une foule monstrueuse avec énormément de choses. Comment faire pour ne pas rentrer dans cette masse Alors, il doit ce projet, il doit se montrer et interpeller comme une réponse, un cheminement vers une autre façon de vivre. Or, c'est vrai que si on passe par le média habituel et par les réseaux sociaux, on passe par la même façon de vivre. Donc, il y a quelque chose qui est un peu antinomique. Alors, essayons de voir un peu plus loin. Comment cela peut-il se voir, déjà ? Déjà, ce que nous faisons, nous, là, à trois, à réfléchir là-dessus, comment ça peut-il se voir? Ça s'entend, puisque Claude, en fait, enregistre, on a des podcasts possibles. Maintenant, les podcasts, ça fait aussi partie du mode de diffusion traditionnel. Il y en a énormément sur les réseaux. Ensuite, c'est comment cela peut-il interpeller de près, c'est-à-dire sur le jardin, tel qu'il est à Saint-Goustan, et puis comment cela peut-il interpeller de loin, c'est-à-dire pour quelqu'un qui, comme Rodrigue, est en Suisse, ou en Italie, ou ailleurs en France. Donc ce sont des grosses questions. Et jusqu'à présent, on répond toujours par les réseaux, par les médias de masse et les réseaux sociaux. Y a-t-il un autre moyen? Le bouche à oreille suffit-il? suffirait-il? Est-ce que on pourrait faire un événement exceptionnel sur place? On parlait de la grande lessive, qui pouvait être une bonne étape, avec un temps de préparation qui interpelle, c'est-à-dire tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, qui se prépare et qui aboutit sur place. Et qu'est-ce qui pourrait en fait interpeller sur place? Et dans ce qui pourrait interpeller, j'ai pensé à plusieurs choses que j'avais mises d'ailleurs dans le Dropbox paper Bonnes idées. C'était la fontaine, déjà en bas, qui est sur le quai 9. Et pour l'instant, le quai 9, c'est un garage à voiture. S'il y a une fontaine qui interpelle en bas, ça va sans doute beaucoup changer les choses. Une autre chose qu'on avait aussi pensé, c'était les panneaux accrochés sur le grillage, rue Neuve, pour que tous les passants puissent savoir un peu ce qui se passe en arrière-garde et en avant-garde, là-dessus. Il y a un élément qui est important, qui ne passe pas inaperçu actuellement, c'est le cerisier. Le vieux cerisier, en fait, on peut le mettre en scène. Et il se verra de très loin, on le voit même depuis le pont de Saint-Goustan. Donc il y a quelque chose à faire. Et puis, la dernière chose qui peut interpeller aussi, c'est la grotte. Avec le fameux pont de corde, ou le pont végétal, qui pourrait s'installer de part et d'autre de la grotte. Ça fait quand même un pont qui doit faire dans les 8 à 10 mètres de portée. Mais avec de part et d'autre des arbres qui sont costauds, donc sur lesquels on peut s'ancrer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait interpellé, qui avait aussi interpellé Sylvie, ma femme, puisqu'elle a proposé en cadeau cette année toute une série de hamacs à la génération jeune. Et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on peut suspendre les hamacs là-bas. C'est très plaisant ce coq. Ouais, c'est bien ça. Ferme juste la porte, pardon. Non, ferme pas, au contraire. Reste là, Rodrigo. Ça nous met. Parce que j'ai le même dans la cour de mon immeuble. C'est très plaisant. Ouais. Et en plus, j'avais plus rien à dire. Tu vois, il a tout compris, le coq. Tu vois, c'est un initié. C'est un coq initié. Voilà. Mais puisqu'on parle de coq, vous savez que c'est lui qui annonce le lever du jour. Oui. Avant que le jour se lève. Juste une petite interpellation comme ça, voilà. Mais c'est grâce à Roderick. Oui. Je note le coq. Ouais. Mais c'est bien au niveau symbolique. Hein. Ah, mais ça fait partie des. Dans les cheminements initiatiques, ça fait partie, effectivement, le coq. C'est l'une des premières rencontres qui se fait entre le coq et l'apprenti qui va, ou l'impétrant qui va pénétrer dans une loge maçonnique. On le laisse à méditer. Dans un grand cabinet noir où il a un coq qui est dessiné et on explique bien que le coq, eh bien, c'est lui qui annonce le lever du jour. Voilà, ouais, je vous laisse imaginer la suite. Oui. Voilà, donc là, voilà l'état de ma réflexion sur le sujet. Et c'est loin d'être fini. Je n'ai pas voulu reprendre les choses que j'avais écrites sur les bonnes idées, mais je les ai aussi sous les yeux. Hein, ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'avez pas reçu de notification. Comme quoi, Mais est-ce qu'on est bien destinataire au niveau des bonnes idées? Les bonnes idées, de toute façon, Jardin Merveilleux, vous le partagez avec moi, donc tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit là-dessus, vous êtes tenu au courant. Et normalement, si vous avez validé la notification, automatique, ben, vous êtes prévenu qu'il y a quelque chose qui a changé sur le Dropbox Paper. Ça avait au départ un peu énervé Stéphane, parce qu'il disait on reçoit constamment, t'es tout le temps en train d'écrire, alors on reçoit constamment des notifications comme quoi il y a quelque chose qui a changé. Alors il a fini, je crois, par l'enlever, sa notification, et il a choisi d'y aller régulièrement, quoi, c'est tout. Mais pour ne pas se faire à chaque fois interpeller par ça, parce qu'il n'a pas que ça à faire, quoi. D'accord. Bon. Alors, on avait parlé, bon, je vais vous lire, hein, ce qu'il y a dessus, hein, si vous ne l'avez pas en direct. Hein. J'avais mis la grande lessive doit son nom à la ressemblance au linge que l'on étend, avec ses œuvres accrochées à des pinces à linge. Mais depuis 2006, l'équipe a ouvert à d'autres formes, comme le montre le site web dédié. C'est une œuvre d'art participatif. Alors, nous pouvons en plus lui donner un caractère symbolique fort, dans ces temps très contraints, pandémie, évolution environnementale inquiétante, changement climatique. Et l'expression « grande lessive » peut prendre toute sa valeur, un grand nettoyage, tant dans les façons de faire que les modes de pensée. Enfin, nous pouvons enrichir l'œuvre de base, les suspensions, par des interpellations diverses, jeux, intrigues, surprises. Le terrain avec son relief se prête à toutes les formes de suspensions, idées en vrac, parcours sur le site balisé par des cordes définissant un sens, deuxième, éléments suspendus au-dessus des falaises, trois, panneaux suspendus au grillage ou une corde à linge le long de la rue Neuve, quatre, ponts suspendus en corde au-dessus de la grotte, c'est ce que je disais tout à l'heure, éléments suspendus jouant de la lumière, puisque en fait on a un super projecteur qui passe d'un côté à l'autre. 6. Grande toile d'araignée en ficelle avec des éléments suspendus. 7. Hamac et chaises suspendues. Bon voilà, ça c'était des idées. Mais aussi en faisant un parcours dans le symbolique. Inviter le passant à s'élever pour atteindre un élément suspendu. Inviter le passant à réaliser une suspension, un élément suspendu. Inviter le passant à suspendre son vol pour contempler une animation. Et l'idée m'avait été, je ne sais pas si vous en avez parlé, on avait vu justement ces... on en avait parlé avec Rodrigue, puisqu'il parlait des animations de Genève avec les cadres qui invitaient à regarder dans une certaine direction. C'est ça. Donc ça invite le passant à monter et à regarder dans une certaine direction. Comment faire, en fait, pour localement faire ce genre de choses. Ça ne va pas être évident parce qu'en bas, on est sur le Quai 9, et le Quai 9 étant très prisé par les pneus, invité à monter, on est tout de suite dans le domaine public, ça ne va pas être simple. Il faut que je sache exactement, et ça pour l'instant la ville n'a pas voulu prendre position, peut-être que maintenant elle le prendra, mais elle la prendra, sur la position exacte de ma propriété par rapport à la surface publique. Quoi. Pour l'instant, en fait, ils n'ont que des trucs vagues, dont ils profitent d'ailleurs, parce qu'ils ont réussi à mettre du bitume sur une portion que je pensais être chez moi. Voilà. Voilà pour ce qui est de ma contribution sur le sujet en l'état actuel. Allez, Rodrigue, à toi. À vrai dire, j'ai été à un culte ici à Moudon, une petite ville un peu plus loin, qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup travaillé. C'était un culte, maintenant je ne sais plus quel passage biblique je l'ai noté, mais qui disait, en fait, c'est attractif d'aller chercher, mais ce qui est plus important, c'est le Seigneur ne nous demande pas d'aller chercher, mais de montrer l'exemple et de faire, d'agir. Et je me suis dit, chercher, oui, je vous ai mis sur une fausse piste, d'aller prendre le sac à dos, de faire une démarche pour chercher, en fait, symboliquement, le jardin merveilleux. Mais en fait, avec ce culte, ça m'a appris que il faut agir, il faut faire quelque chose. Et ça, ça m'a beaucoup travaillé, puisque en fait, je pense, comme Philippe, je n'ai pas envie de retourner en arrière dans tous ces schémas classiques. On a pu certainement faire des choses magnifiques, mais on doit justement se détacher de cela. Et d'une certaine façon, ce que vient de dire Philippe ici, c'est du très concret. La fontaine, les panneaux, le vieux cerisier, etc. Et là, ça m'apaise. Je dis maintenant, puisque ça, ce n'est pas chercher, mais c'est travailler à. C'est être, comment dire, faire quelque chose. Évidemment, comment c'est un voyage pour rechercher le jardin merveilleux est une tentative très alléchante, très agréable, qui fait rêver, qui interpelle et tout ça. Mais maintenant qu'on doit entrer dans l'action, c'est une autre chose. Et en fait, je suis de plus en plus enthousiaste d'entrer en action, même si j'habite loin. Mais ce côté action m'a beaucoup travaillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a perturbé, et à part du fait que j'ai été envahi par la famille l'un après l'autre. Et ça m'a... Je n'ai pas pu avoir une réflexion tranquille et comme je l'aurais souhaité. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je me réjouis que ces jours de fête sont un peu terminés, à vrai dire. Enfin, je ne voudrais pas dire ça, ce n'est pas très chrétien, mais pour pouvoir retrouver un peu le silence. Puis ça fait beaucoup de bruit, je ne parle même pas du coq. Mais enfin, voilà, ça, j'ai besoin de me retirer pour réfléchir. Alors, voilà... C'est une question à vous deux. Comment vous voyez le côté action par rapport à se mettre sur un chemin pour aller rechercher? J'arrive pas encore tout à fait à rimer. Mais maintenant qu'il y a un plan d'action de Philippe, tout d'un coup, ça me réconforte beaucoup. Voilà. Bon, ben voilà. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de nous dire. À ta façon, Roderick, et ce que vient de dire aussi à sa façon Philippe. Il me semble qu'on est en train de buter sur quelque chose. Hein. Passer du spéculatif à l'opératif, c'est pas quand même quelque chose de très très facile. Autant faire marcher son esprit, bien. Bon, il suffit de se mettre en condition et on peut avancer. Mais de rendre concret sa réflexion à travers... tu nous mets sur la piste, Roderick, puisque tu nous parles d'un voyage, moi je dirais un voyage initiatique pour rechercher le merveilleux sur notre jardin. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Je trouve également intéressant... le fait de focaliser dans les signes, sur la grande lessive. Et je pensais, parce que cette grande lessive, il faut quand même l'animer, quoi. Il y a tout un travail de préparation qui est nécessaire pour que les uns et les autres puissent venir suspendre leur travail. Alors, moi, plutôt que de mettre des fils sur le jardin lui-même, avec les risques qui peuvent être encourus, moi je mettrais plutôt je consacrerais le grillage. Alors il est en haut, certes, par rapport à la porte et l'ouverture que nous propose Philippe qui est en bas, Mais je pense que le grillage, eh bien, se prête bien à ce qu'on y suspende des dessins, des photos, des réflexions, etc., etc. Voilà. Ça c'est ma... C'est ma conviction quant à cette grande lessive. Et ça va pas? T'es tombé, Rodrigue? Excuse-moi, oui, ça glisse de mes genoux. Voilà, c'est bon. Bon. Excuse-moi. Ah, mais descends tes skis, hein? Ça glisse. Bon, voilà. Alors, moi, je vais vous apporter ma petite réflexion qui a été embarrassée. Parce que des signes d'interpellation du jardin merveilleux, j'en vois pas beaucoup. Par contre, ce qui me paraît très intéressant, puisqu'on veut interpeller, eh bien, c'est qu'il y ait une porte pour rentrer sur ce jardin, qu'elle soit au nord ou qu'elle soit au sud, peu m'importe, mais sur cette porte qu'on ait un fronton sur lequel on trouvera une maxime. Une maxime qui va interpeller le quidam qui passe là et qui va lui donner, s'il a un peu de curiosité, eh ben, qui va l'inviter à rentrer. Alors, j'ai relevé deux maximes. Maxime philosophique, bien sûr. La première, eh bien, c'est celle... qui était inscrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. Et cette maxime est « Connais-toi toi-même ». Et c'est la maxime philosophique inscrite sur ce fronton pour éclairer ceux qui viennent interroger l'oracle. C'est intéressant, ça. Et si notre jardin merveilleux pouvait être... le moyen à ceux qui passent devant, eh bien, de venir, d'autoriser un questionnement et de venir et faire en sorte qu'ils s'intéressent à cette démarche du jardin merveilleux. Alors, connais-toi toi-même. C'est une recommandation puissante et décourageante. Si vous la prenez au sérieux, alors vous commencerez à rejeter toutes les idées fausses que vous avez non seulement à propos de vous-même, mais à propos des êtres humains en général. Là, vous commencerez à réfléchir profondément sur qui vous êtes et qui vous devriez être. Vous pourriez commencer à prendre des décisions qui changeront votre vie, des décisions qui, si vous avez raison, vous mettront en harmonie avec votre nature et vos circonstances. Si vous vous trompez, eh bien, vous allez transformer votre vie dans une grossière erreur. Il ne faut pas s'étonner que ce commandement soit le commandement le plus important de toute la philosophie. Il faut le suivre, me semble-t-il, comme une loi presque religieuse. Et d'une manière ou d'une autre, si on s'engage sur ce chemin, eh bien, on pourra être un grand philosophe. Moi, ça m'interpelle de voir comment réagiraient les quidam qui passent devant la porte et qui, lisant cette maxime-là ou d'autres, je vais vous en parler d'autres, rentrent là et puis ils disent « Mais pourquoi vous avez mis ça là-haut ? Qu'est-ce qui fait que vous voulez qu'on aille dans cette voie ?» Deuxième maxime, « Nul n'entre ici » s'il n'est géomètre. La tradition veut que cette phrase ait été gravée à l'entrée de l'Académie de Platon et l'école fondée par ce dernier à Athènes en 387 avant Jésus-Christ. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Cette formule, employée sous la forme d'injonction, de préalable, pose comme première condition d'admission dans un cercle, dans une institution donnée, l'acquisition d'un statut, l'acquisition d'une qualité, d'un niveau de connaissance explicitement annoncé ici comme étant celui de géomètre. Dans l'esprit de Platon, le statut de géomètre qui nécessite la connaissance des notions géométrique doit être considéré comme une étape. C'est comme un chemin. Ce cheminement graduel nous conduit vers l'approfondissement des connaissances ou vers la recherche de la vérité. Pourrait être ce chemin être en partie illustré par cette expression et dans ce cas, initié et géomètre pourrait, me semble-t-il, avoir la même portée. On va peut-être un peu loin là, mais je préfère mettre la barre assez haut, comme ça il sera toujours plus facile de retomber aisément. En effet, cette maxime, cet adage, impose comme préalable la qualification de géomètre pour accéder à l'académie. Platon propose à ses apprenants, pour sortir de cette ombre épaisse, de cette ignorance qui les habite, propose à ses apprenants de se libérer de leurs chaînes pour apprendre à voir la réalité qui sont les idées modèles du sensible. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de la caverne, mais bon, c'est une réflexion, moi, qui m'a philosophiquement beaucoup interpellé et qui rentre bien en ligne de compte ici. Platon oppose à une lecture sensible du monde, source d'erreurs et d'errances, une lecture intelligible, source de connaissances. En réalité, construire, entre guillemets, des étudiants géomètres, c'est s'assurer qu'ils sachent établir de justes rapports entre les idées, qu'ils puissent s'interroger sur l'importance et l'accessoire, qu'ils puissent distinguer les arts véritables des activités, qu'ils deviennent des individualités critiques, capables d'être des philosophes, responsables de l'harmonie dans la cité. Mais alors, pourquoi donc des géomètres ? Simplement parce que la géométrie est avant tout, et je cite Platon, forme et raisonnement. Et elle facilite l'interface entre un monde matériel, les hommes et les objets terrestres, et ce que Platon appelle les idées des sens divines. C'est donc en s'appuyant sur la raison que nous pouvons justifier l'existence du bien et de la vertu, accessible que par la dialectique. Entre parenthèses, le dialogue, le raisonnement discursif et cartésien. Accessible par la dialectique qui use de la géométrie. Et je cite encore Platon. Cette science élevant l'âme au-dessus des considérations matérielles. Il faut remarquer que pour Platon, la géométrie, pas plus que les autres sciences mathématiques, n'est une fin en soi, mais seulement un préalable destiné à tester et développer la capacité d'abstraction de l'étudiant, c'est-à-dire son aptitude à dépasser le stade des sensations qui nous maintiennent dans l'ordre du visible et du monde matériel pour s'élever jusqu'à l'intelligible pur. Voilà les réflexions, voilà les exigences, me semble-t-il, que peuvent amener ces deux maximes. Mais bon, on ne va pas être trop provocant dans cette interpellation. Mais si déjà on pouvait intéresser le quidam qui passe devant notre jardin, qu'il cherche peut-être une petite élévation de lui-même par rapport à lui-même, alors peut-être qu'on pourrait trouver une maxime médiane entre ce niveau d'exigence et entre ce niveau d'exigence et une réalité très moyenne qui, pour ma part, me paraîtrait trop dommageable. Alors, moi, je proposerais une maxime qui pourrait s'intituler « Connais-toi toi-même et tu découvriras le merveilleux ». Voilà comment je vois les choses. Je crois qu'il faut interpeller nos kidam, leur permettre de... Pour ceux qui en ont envie, parce qu'il faut prendre ça à tous les étages, et tout le monde ne réagit pas de la même façon. Là, je vous ai développé quelques réflexions philosophiques qui ne sont pas toutes jeunes, hein, parce que Platon, ça fait déjà un brave moment que ça m'a intéressé. Mais connais-toi toi-même et tu découvriras le merveilleux. Ça me paraît être suffisamment exigeant et puis suffisamment... un signe suffisamment capable d'interpeller le kidam qui va chercher à découvrir pourquoi notre jardin est merveilleux. Connais-toi toi-même et tu découvriras le merveilleux. Voilà, j'ai fini mon petit propos. Wow. Super intéressant. Alors, je vais réagir sur le... Sur la question du nul n'entre ici s'il n'est géomètre, avec les commentaires que Claude a fait. Et en fait, ça m'a tout de suite interpellé sur l'impossibilité que j'ai eue jusqu'à présent de faire venir un géomètre sur mon terrain pour le mesurer. Eh ben voilà! Et voilà. Et alors, est-ce que cette impossibilité n'est pas un signe déjà? C'est-à-dire, en fait, il y a plus que ces dimensions 3D qu'il y a sur place. Alors, ça, c'est vrai que Stéphane, lui, il dirait « J'aimerais bien avoir le plan en 3D pour que je puisse commencer à travailler dessus, paysage et tout ça. » Mais en fait, on a d'autres dimensions qui sont sur ce jardin merveilleux. Et ce n'est pas notre définition du géomètre expert aujourd'hui qui est capable de répondre à ça. Donc, je suis moins surpris que notre géomètre, qui, même s'il a dit qu'il était intéressé, ne soit jamais venu, parce qu'en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose à mesurer là-dedans. Et ça, à mon avis, il ne sait pas le mesurer. Il n'y a pas de technique là-dessus. Et puis finalement, maintenant, le connais-toi toi-même et tu découvriras le merveilleux. C'est intéressant. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui va être, qu'on va retenir pour ça, mais c'est une bonne compilation et une bonne interpellation. Bon, ça va interpeller ceux qui sont un peu instruits, qui vont toujours dire « il a fait que... que recopier, et puis il a rajouté des phrases de... Bon, c'est le risque. Parce que le connais-toi toi-même, il est quand même attribué à un philosophe, point. Voilà. Ouais. Il va dire, on est allé piquer l'idée ailleurs, on l'a rapporté ici, voilà. À mon avis, il y a peut-être une compilation, une phrase qui interpellera, c'est un bon début, mais je pense qu'il y aura une phrase qui interpellera de façon beaucoup plus incisive là-dedans, sans avoir de retour sur l'histoire, en gros. Parce qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est le futur. Et il y a quelque chose, en tout cas, j'aime bien la phrase, mais je pense qu'il va y en avoir une autre, qui va surgir entre nous, parce qu'on va réfléchir là-dessus, justement. C'est une bonne introduction, Claude. J'ai eu beaucoup d'y réfléchir. Ouais, mais je reprends juste ce que... Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Oui, le connais-toi toi-même. Attends, laisse-moi réfléchir une seconde, parce que j'ai peut-être autre chose à te proposer. Le connais-toi toi-même est assorti dans certaines réflexions initiatiques. Connais-toi toi-même et tu découvriras les dieux. Oui, c'est ça, ça me faisait penser à ça. Voilà. tourne autour du pot, hein, parce que, à mon sens, le cheminement, pour ma part, il est là. Hein. Alors, effectivement, cette maxime philosophique écrite sur le temple d'Apollon à Delphes, qui venait, pour éclairer ceux qui venaient interroger l'oracle. Mmh. Et on est bien d'accord qu'on veut interpeller le quidam qui passe là, mmh, et qui a peut-être des questions à poser. Faut-il encore qu'il ait quelqu'un, qu'il ait un oracle pour trouver les réponses ? À mon sens, je pense que c'est un sens qu'on pourrait donner au jardin. Parce que le jardin, lui, peut donner des réponses. S'il est construit, comment dirais-je, s'il est construit philosophiquement, s'il est construit de façon à ouvrir un parcours initiatique, est-ce que c'est ça qu'on veut faire ? Question, j'en sais rien. Moi, c'est dans cette voie-là que j'irai plus volontiers parce que c'est ma façon de penser, c'est ma façon de me conduire, c'est ma façon de... Voilà. Mais je crois qu'il faut ouvrir la porte. Et après, chacun passera... attendez, je vous ai perdu. Vous êtes toujours là, ouais, vous êtes... Mais oui, tout à fait, on écoute. Ouais. Je crois qu'il faut ouvrir la porte. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une porte. Et ça, Philippe, tu me rendras cette justice que... la oui. porte, je te la réclame depuis très longtemps. Bon, et je pense qu'il faut qu'il y ait un rite de passage. Et on est bien d'accord qu'on cherche un signe. La porte oui. est un signe. Le oui, rite, la maxime au-dessus de la porte est un autre signe. Oui. Et le jardin lui-même est plein d'autres signes. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mmh. Oui, tout à fait, cette porte, elle est nécessaire. Par contre, c'est vrai qu'elle est super importante. Et j'ai à faire référence au film de Astérix et Cléopâtre, il faut la construire en 3 mois. On va pas Le palais de Cléopâtre, numéro bis, avait 3 mois pour construire le palais. Ah. Nous avons 3 mois pour construire une porte. D'accord. Ok, bon, ben voilà. Oui, non, mais le facteur temps, moi, ça me va bien. Hein. Ça va bien. Mais c'est une très belle invitation, interpellation. C'est un très beau début, puisque, soyons pragmatiques, il faut capter le regard des personnes qui passent par là, ou il faut inviter. Et c'est très, disons... C'est incontournable, une phrase comme ça. Ça fait tout de suite tilt, et chacun réfléchira plus loin. Il y en aura quelqu'un qui voudra dire, mais comment est-ce que je peux devenir géomètre ou jardinier. Comment est-ce que je peux faire partie du club ou quelque chose comme ça, et d'autres qui auront d'autres réflexions. Mais... ce qui me plaît de ce que Claude dit, ce que tu dis, c'est que les choses n'arrivent pas gratuitement dans la vie comme ça. Je me souviens ici une fois d'un groupe de prière, et à un certain moment, il y avait un des membres qui disait « Oui, mais quand moi je vais cueillir des pommes, je mets l'échelle contre le pommier, et quand je suis tout là-haut, je me sens proche de Dieu et je suis heureux. » Alors, oui... ce que cette personne a oublié, c'est qu'il faut travailler. Il faut. Ça n'arrive pas comme ça, comme une feuille ou un nuage, mais il y a du boulot à faire pour trouver cette autre dimension. C'est pas comme ça. Ça n'arrive pas facilement, gratuitement. C'est ça que j'apprécie, puisqu'il y a beaucoup de personnes, on vit dans une période où la consommation est importante et trop importante, et que... Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler et la porte que Claude suggère, ça intrigue, ça interpelle. Et ensuite, le pas numéro 2, numéro 3, numéro 4, ça va être très difficile à mon avis, mais on doit pouvoir s'en sortir. Évidemment, il y a cette autre dimension qui doit peut-être pas encore paraître, mais on doit donner un début d'un goût de cela, n'est-ce pas? Enfin, je tourne en rond, excusez-moi. Mais non, tu ne tournes pas en rond. Je pense qu'il est extrêmement difficile de construire un cheminement pour permettre à l'être de se développer et qu'il rentre dans ce jeu-là. Parce que c'est très difficile. Bon. Je reconnais bien Philippe quand il nous dit « Voilà, il faut qu'on trouve des signes pour interpeller le quidam qui passe là. » Mais c'est extrêmement difficile de le faire en dehors des symboles. Moi, je proposais le symbole la dernière fois. Philippe a corrigé et a préféré le signe. Le symbole nous ouvrirait plus de portes. Le symbole contribuerait à intriguer et contribuerait au questionnement. Mais questionnement à tous les étages. Tu peux très bien avoir des symboles qui sont interprétés, et c'est ça qui est intéressant dans la symbolique, c'est que tu vois un signe, que tu transformes toi en symbole, et que ce symbole, quand quelqu'un à côté de toi le regarde en même temps que toi, eh bien, il y voit une définition différente. Il se reconnaît. C'est des symboles dans lesquels chacun doit se reconnaître. Et là, je pense qu'on aura gagné avec un symbole. Et Claude, juste une question par rapport à cette peinture que tu nous as en bleu. Est-ce que derrière cette porte, est-ce qu'il faudrait une deuxième porte et une troisième porte, une quatrième porte? Enfin, là, c'est peut-être un piège, mais c'est... Une porte, ça ne veut pas dire qu'on y est, mais c'est juste un début, n'est-ce pas? Ouais, mais il faut pas que ça soit un chemin de croix. Non. Il faut que ça soit facile d'accès, et il faut qu'il y ait des étapes que chacun puisse mesurer, des étapes que chacun puisse franchir, mesurer et grandir à travers chacune d'elles. C'est ce voyage initiatique dont, Rodrigue, tu nous parlais. Et un voyage initiatique, ben, c'est plein d'embûches. Et ces embûches-là, c'est des caps à franchir. Et tant que tu ne l'as pas franchi, ben, tu butes et tu restes derrière la porte, quoi. Une fois que tu ouvres la porte, tu vas te retrouver dans ce qu'on pourrait appeler un labyrinthe. Labyrinthe qui a des portes de sortie, si tu veux, mais pas facile à trouver, et qui demande un cheminement de réflexion, qui demande une bonne mémoire visuelle, qui demande et qui permette d'intriguer dans sa tête pour trouver une solution à ce labyrinthe. On est un peu comme ces chevaliers au Moyen-Âge, quand ils cheminaient gratuitement à la recherche du Graal. Ce Graal-là, certains le voyaient passer devant leurs yeux, et puis d'autres ne le voyaient pas, et pourtant il passait pour tout le monde. Et pourquoi certains le voyaient et pourquoi d'autres ne le voyaient pas? Bah parce que, et c'est la morale de Chrétien de Troyes qui a écrit ce magnifique recueil, vaste recueil. Chrétien de Troyes nous dit, voilà, lorsque Lancelot voit passer, lorsque le Graal passe devant Lancelot, il ne le voit pas. Pourquoi ça? Parce que il n'a pas son cœur disponible, il est amoureux, je ne sais plus de quelle dame, etc. Et il n'a pas son cœur disponible. Alors que... comment s'appelait-il comment s'appelait l'autre chevalier? Bon, l'autre chevalier, lui, cheminait dans un système de pureté et était disponible pour voir ce Graal. Et cette disponibilité lui a permis de rejoindre, c'est toujours la même chose, de rejoindre le divin. Ça, c'est aussi un mot magique, disponibilité. Ouais, ouais, bon mot, hein. Ouais, ouais. J'acquiesce la chose, c'est-à-dire que c'est aussi un chemin que de se rendre disponible pour ça. Ah. C'est un peu ouais. Ça. C'est, on parlait la dernière fois du cheminement dans le jardin et puis le cheminement pour arriver au jardin. Et entre le « pour arriver au jardin » et le cheminement dans le jardin, il y a la porte, la fameuse porte. Et donc le cheminement d'avant le jardin est là pour préparer à la disponibilité qui permet de passer cette première porte. Donc en fait, il y a deux cheminements. Un peu comme ce qui existe actuellement au niveau de l'itinéraire de Saint-Jacques de Compostelle, où en fait c'est le grand chemin qui normalement devrait permettre, après ça, le franchissement de la porte de la cathédrale à l'autre bout. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ne font ça qu'uniquement pour marcher, ou pour, voilà, parce que ça se fait. Ou, voilà. Donc en fait, la disponibilité qui correspond n'est pas forcément atteinte. Ça devient plus presque un chemin touristique, quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur et un esprit pur, sans entrave, disponible aux autres, disponible pour se marier avec la nature, pour se marier avec notre... et partager ensemble. Moi, c'est ce que j'aime quand on a appris ici, autour de ce Skype-là, que je trouve formidable, on a appris à se comprendre, à s'apprécier, et chaque jour on grandit, et notre cheminement s'affine. Et il s'affine à coup d'éléments de pureté, à coup de disponibilité d'esprit, et disponibilité de tous les esprits qui existent, et notamment l'Esprit Saint. Celui-là, ça me paraît être un bon objectif. Et pour en reprendre ce que tu disais, là, Rodrigue, à propos de ce tableau, j'avais, en son temps, la première fois qu'on en avait parlé avec Philippe, je lui avais proposé de se mettre en rapport, et je lui ai donné les coordonnées, avec l'artiste qui a fait ce tableau-là, parce qu'on peut très bien lui demander d'illustrer la porte. Ah oui. Et ça parlerait. Bon, c'est fort, hein. Ça interpellerait. Voilà, bon. Mais ça, la balle est dans le camp de Philippe, hein. C'est lui qui doit. Ça peut être très fort aussi. Ça, c'est... Mais Philippe, j'ai une question. Préparer la disponibilité, ça veut dire aussi oser donner un coup de pied ou comme toi, tu le dis si bien, faire de la résistance. Ça, ce n'est pas rien non plus. Hein. Ça, c'est, Non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous pouvez développer là, parce que... c'est intéressant ce que vous dites, mais développez un peu. Alors, on parlait de... C'est ça, d'être disponible. Voilà. Donc, tu dis, avoir un cœur pur, c'est un cœur disponible pour pouvoir voir l'essentiel. Donc, il y a une question de disponibilité. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui rend indisponible. De tous les côtés, en fait, on est assailli. Et comment se rendre disponible à ça? Comme disait Rodrigue, bon, on a des... J'ai des cousins qui appellent les séjours familiaux, les séjours chic ouf. C'est-à-dire, en gros, c'est chic, on se retrouve, ouf, c'est fini. Ouais, c'est d'accord, mais ça c'est parce assez que... redoutable. C'est... ah ouais, ça je crains le pire là-dedans. Bon, et alors, ce cousinage, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça élève l'âme ? Voilà, alors il y a tout, il y a plein de... En fait, c'était une interpellation qui nous avait fait sourire à l'époque, parce que c'est vrai que, bon, bah, y en a qui, avant nous, ont été grands-parents, quoi. Mes grands-parents en chaud, quoi, c'est-à-dire avec beaucoup de petits-enfants, et ça m'a traqué. Tu sais, dans le milieu protestant, on est toujours dans la phrase de Paul, « Heureux celui qui en a plein son carquois », quand on parle des enfants, et là, il y en a qui n'y vont pas mollo, quoi. Donc là, au niveau disponibilité, c'est vrai que là, c'est une question qui se pose pour chacun de nous, en fait. Hein. Et c'est même maintenant. Là, moi, je le vois parce que, bon, Auray, c'est 950 km hein, depuis ici. Actuellement, en fait, en plus de ça, le gouvernement s'y met pour qu'on soit encore moins disponible, puisqu'on est confiné, puisqu'on ne peut pas se déplacer comme on veut. Il y a énormément de contraintes. Donc ça en rajoute encore. Et c'est là que prend le mot résistance là-dedans. Quand tu dis, je l'ai écrit moi, je suis rentré dans la résistance parce que en fait tout est fait pour que tu restes à l'état où tu es actuellement, c'est-à-dire complètement phagocyté par soit les problèmes des uns et des autres, soit tes propres problèmes de santé, et finalement tu n'es jamais disponible. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose, à se... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? T'as enlevé les skis, là ? J'ai trouvé une chaise pour mettre l'iPad. Alors... Non, mais c'est... Oui, vas-y, Rodrigue. C'est vrai. Moi, je vais... Bon, allez, j'y vais. Bon. Philippe. Oui. Là, tu viens de rentrer dans ton espace de résistance, mais permets-moi de te dire que c'est pas ça le problème. C'est pas de résister. Le problème, c'est d'être. Tant que tu seras... en contre-pied ou contre-temps avec toute ta hiérarchie professionnelle d'hier, avec le gouvernement d'aujourd'hui, avec tout ce qui peut... Voilà. Tu franchis pas le cap, là. T'es pas dans ton sujet. Tu n'es pas disponible. Tu n'es pas disponible pour ton merveilleux. Et pourtant, c'est toi qui dois nous guider. Donc, à mon sens... Il faut une certaine exigence de soi-même sur soi-même. C'est ce fameux djihad, hein. Je ne me renouvelle pas beaucoup, mais bon, je te dis, Philippe, ce qui me passe derrière la tête. Il faut que tu te sortes de toute cette matérialité qui t'environne et qui te plombe. Le tout, c'est d'être libre. Libre dans ta tête, libre dans tes gestes. Et tu dis que tu n'es pas libre dans tes gestes parce que le gouvernement quique, etc. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Il faut qu'on puisse être capable de dépasser cet état de matérialité qui te plombe, qui nous plombe. Attends, tu n'es pas le seul, hein. Mais bon, il ne faut pas que ça soit une charge qui vienne obturer et obérer toute action, quoi. Il faut dépasser ça, Philippe. Il faut dépasser ça. Et Rodrigue parlait d'un coup de pied tout à l'heure. Moi, quand on me parle d'un coup de pied, je pense à ce coup de pied de Gilgamesh qui a plongé, c'est un mythe, hein, qui a plongé dans le fond de l'océan pour aller chercher une fleur qui poussait dans le fond de l'océan pour permettre d'apporter le merveilleux aux humains. Alors il plonge, c'est profond, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il trouve la fleur, et là il te donne un foutu coup de pied pour regrimper à la surface et se réoxygéner et remonter avec sa fleur. Voilà ce que nous devons faire. Voilà le cheminement dans lequel nous devons être. Mais c'est très compliqué. Mais ça s'apprend. Et quand tu fais un jardin merveilleux, Philippe, eh ben, il faut se donner les moyens du merveilleux. Et pour ça, ben, il faut voir la route. Ce que je voudrais dire ici, c'est pas la question de la disponibilité, mais dans le cadre de la préparation d'être disponible, il faut se créer du temps. Et là, il n'y a pas d'autre choix que de donner des coups de pied, de créer la résistance et de dire stop et de se débarrasser de ces chaînes. Mais c'est un passage préalable, évidemment, avant d'être disponible pour aller plus loin. Tout à fait d'accord. Donc ce n'est pas la disponibilité en soi, puisqu'on le souhaite, mais c'est la préparation, je dirais, préalable qui n'est peut-être pas évident, surtout quand on a des responsabilités, enfin avec la famille, tout ça. Je ressens la même chose, là. C'est compliqué pour presque prendre un peu de distance, littéralement, pour se libérer un peu, pour ne plus être comme ça dans sa vie. Oui, alors moi je rebondis sur ce que tu dis et sur ce que dit Claude. Bon, Claude, tu es tout le temps en train de me dire que je ressasse le passé. Juste pour te signaler que c'est la question qui se posera pour n'importe qui voudra venir au Jardin Merveilleux. C'est-à-dire, on est dans une situation et je ne peux pas nier la situation, je ne peux pas... nier la situation, toutes les situations que j'ai vécues, il faut que je puisse m'en servir pour aider les autres à s'en sortir aussi. C'est-à-dire que c'est... si je m'en sors, je n'en sors pas les autres de ce problème qui va se poser pour tout le monde. C'est-à-dire, mais attendez, le merveilleux, comment l'atteindre dans l'état où on est, dans la société où on est. Il y a un chemin à faire, c'est sûr que là, il faut le guider, il faut le faire, déjà soi-même, nous-mêmes, il faut déjà le faire. Mais par contre, pas prendre trop d'avance, sans ça, on sera complètement incompris. On sera comme, un peu comme ce que disait Roderick quand il est venu, il m'a dit, mais attendez, vous avez trop d'avance sur moi. Ben, pense à tous les autres qui vont arriver derrière, et je t'assure que Roderick, ben, il a fait l'effort intellectuel, mais il y en a qui, un effort intellectuel, ça sera très difficile pour eux. Ça veut dire qu'il faut quand même préparer, il y a quelque chose à faire, et il faut se servir de notre, du vécu qui a été fait. Tiens, je peux pas dire du jour au lendemain, ça y est, je suis libre. Comment ça fait ? Je ne peux pas dire « Je suis libre, moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas. Comment veux-tu être compris comme ça ? Ce n'est pas possible. » Alors, en te regardant, je vois un voyant rouge sur ta chaudière. Ah, il y a quelque chose ? Ouais, c'est rouge, je te le dis, pour le cas où il y aurait une anomalie quelque part. Bon, trêve de plaisanterie. Bien sûr que il faut pas aller trop vite. Bien sûr qu'il faut que l'autre, tu puisses lui prendre la main. Mais si tu veux lui prendre la main à cet autre, il faut être disponible toi-même. Il faut que tu donnes l'exemple. Et il faut aller chercher les autres, les prendre par la main, les amener sur le jardin merveilleux, leur faire faire leur cheminement, et là, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils vont trouver l'émerveillement sur la place. Mais il faut soi-même être disponible. Si tu n'es pas disponible, ça ne marche pas. Et pour être disponible, eh bien, il y a ce cheminement, il y a toujours ce temps d'avance qu'il faut. Et là, je vais reprendre la métaphore de Dieu qui va à la rencontre d'Adam. C'est Dieu qui va vers Adam. Adam, il est, tu l'as bien dit, il est alangui, il n'est pas, il est pas d'une grande disponibilité. Mais le fait de rencontrer le divin, eh bien, ça, ça peut le mettre debout. Moi, je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Certes, je t'ai pris, je me suis, comment dirais-je, souvenu de différentes discussions qu'on a eues ensemble, Philippe, et de ce cheminement qu'il me paraît être nécessaire d'avoir pour aller prendre l'autre par la main. Et ça, si tu n'es pas prêt toi-même, tu ne le prendras pas par la main. Et le prendre par la main, ce n'est pas que l'autre doit ignorer son passé. Non, c'est lui dire, voilà, je viens te chercher, on va passer du passé, on va au présent. Et là, tu vas pouvoir avec moi décoller. Il faut s'en donner les moyens, quoi. Il faut s'en donner les moyens. Et les autres te suivront. Les autres te suivront. Mais pour ça, il faut que, pour qu'ils te suivent, il faut leur donner envie, quoi. Et si toi, tu n'es pas disponible pour les autres suffisamment, embarrassé par ta propre problématique du moment, ben, ça ne marchera pas, quoi. Bon. Mais Philippe, je ne te fais pas de reproches. On est tous dans cet état-là. Mais il y a des préalables, si tu veux. Et ce préalable, eh bien, c'est ce fameux coup de pied dont parlait Rodrigue tout à l'heure. Eh bien, ce fameux coup de pied, c'est un état de disponibilité pour l'autre. Allô ? Oui, oui. Tu as de l'avant, en tout cas sur moi. Qu'est-ce que tu dis, Patrick ? Tu as de l'avance, puisque je te sens déjà que tu as fait déjà tout un cheminement où en tout cas de mon côté, il y a encore de la résistance, des choses à régler. Mais ça a été démarré, c'est en route, donc je ne sais pas quand ce sera bon, ce sera quelque chose de permanent qu'il faudra gérer. Mais je sens de ton côté, Claude, que tu as fait une magnifique démarche. Je te sens très serein en disant ça. C'est très beau. Oui, je suis serein. Mais toi, tu viens de me faire extrêmement plaisir. Tu viens de me dire, voilà, c'est en marche chez moi. Je ne suis pas encore prêt, je le sens bien. Mais c'est en marche. Ça veut dire que Je t'ai pris, nous nous sommes pris par la main, si tu veux, tous pour se mettre en marche. Qu'est-ce que c'est que se mettre en marche ? C'est mettre un pied devant l'autre, c'est d'avoir cette phase de déséquilibre qui permet à l'homme d'avancer. Mais il n'avance que par son déséquilibre. C'est donc une immense fragilité. C'est une dynamique, oui. Mais c'est une dynamique fragile. Parce que, tandis que tu marches, si je t'appuie sur l'épaule tandis que tu as la jambe en l'air, tu vas tomber. À tous les coups, tu tombes. Hein ? Oui. Voilà. Absolument. Absolument. Donc, il faut se prendre par la main. Il faut aller se chercher là où on est. Et il faut encourager toutes ces bonnes disponibilités et se donner les moyens de réussir. C'est comme ça que je vois les choses. Mais voilà. Ouais. Et Philippe, t'écris. Toc, toc. J'écris et je réfléchis en même temps. Ah. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, je suis en train de penser l'année 2021, qui n'est pas très loin, de commencer. Et en fait, cette année 2021, je l'avais baptisée sur le... J'avais prévu sur le champ de la terre. Et j'avais prévu des stages, ouais. des périodes partagées. Ben, ce sont des moments que l'on peut, on peut pas mal, justement, pas mal partager et se mettre en route en s'entraidant les uns les autres. J'avais prévu de faire un premier pas déjà pour le mois de janvier. Je ne sais pas comment ça... Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'on est encore dans des conditions de restriction. On est, comme tu dis, on est sur le chemin, puisque, en plus, le Covid, ça y est, je l'ai eu. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a toujours qui sont là pour dire « Mais oui, on peut l'avoir deux fois, voire plus. » Alors, tout est fait, en fait, pour te retenir en arrière. Mais moi, ça ne me retient pas. Alors... Oui, il y a un pas. Il y a un pas important qui va être fait. C'est un peu pour ça que j'avais provoqué un peu ce thème pour clore l'année, en fait, l'année 2020, disant ben maintenant on va passer à l'action. Et c'est vrai que dans l'action, elle va démarrer dans je vais prendre une semaine de janvier pour être là-bas. Alors, est-ce que ça sera la porte? Est-ce que ça sera la fontaine? Est-ce que ça sera. Là, ça va être. Je ne sais pas encore. Il y a peut-être une veillée à faire là-dessus pour savoir ce qui va éclore, ce qui va être éclairé à ce moment-là. Alors, quand tu dis « je ne suis pas encore prêt », c'est plutôt que je me sens plutôt en train de prendre le recul nécessaire au bon qui va être en avant. Et ce bon, il va être fait là dès 2021. D'ailleurs, Roderick, je voulais un peu savoir de ton côté, comment ça... ça ne sert à rien. C'est une question qui ne sert à rien actuellement, parce qu'en Suisse, c'est encore plus coincé qu'en France en ce moment. Alors... C'est l'horreur oui. Possible, dès que possible, mais... C'est une situation en Suisse romande qui est très délicate. Toute personne domiciliée en France qui veut venir en Suisse, est conseillée de ne pas aller en Suisse, notamment la Suisse romande. Et puis avec chaque retour, il y a la quarantaine. Donc c'est... Oui. Je pense que ça va prendre quelques semaines encore. Il faut que ça s'assouplisse. Mais c'est difficile à dire maintenant. Je suis désolé que... On ne sait pas trop et ça change de jour en jour. C'est très compliqué. Mais ça reviendra. Il ne faut pas que tu sois désolé. Il ne faut pas que tu te sois désolé pour nous. En fait, c'est plutôt désolé pour toi. En fait. C'est très frustrant, oui. Oui. Très énervant. Mais non, j'ai confiance. Le moment viendra où on pourra prendre nos agendas et aller de l'avant, mais il ne faut pas que je vous retiens avec cela. L'avantage est ceux qui habitent la France. Mais... Moi, je trouve que... parce que là, ça commence à bouger après la sieste, là, pour les petits. Donc, je trouve que pour la prochaine fois, on pourrait continuer un peu sur le même thème, mais en centralisant sur peut-être trois domaines, trois idées, qui est l'idée de la porte, l'idée de la fontaine, et l'idée des choses accrochées sur le grillage rue du meuble. Et là, commencer déjà à réfléchir là-dessus, je dirais dans l'action, qu'est-ce qu'on y verrait Claude a pris un peu d'avance sur ce qu'on pourrait mettre sur le fronton de la porte. Maintenant, quel fronton? Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, comment ça va pouvoir se faire? Du coup, ça fait un peu préparation à l'action pour la prochaine fois qu'on se voit en Skype. Oui, oui, c'est pour ça que je dis qu'il fallait, il faut choisir une date. Pour la date, quand vous voulez. Je me déplace juste, mais je suis disponible pour la prochaine fois. Avec grand plaisir, dès que possible. Ce métagame, je suis ouvert à tout. Et la période ici de Noël, Nouvel An, aura passé. Et je suis désolé, mais je serai plus disponible que maintenant. Est-ce qu'on pourrait dire le 7, le jeudi on avait commencé à se réunir le jeudi. Et pour ma part, ce serait plus facile pour moi le jeudi. Qu'est-ce que vous pensez, si vous êtes d'accord pour le jeudi, qu'est-ce que vous penseriez du 7 janvier ou du 14 janvier Le 7. Le 7 janvier me va très bien. Ça vous va? Oui, c'est noté. Bon, alors, alors ton thème, plus précisément? Le thème, c'est trois thèmes. La porte, c'est pas beaucoup, la source, ça en fait, la fontaine en bas, et les suspensions rue Neuve. Mm-hmm. C'est pas beaucoup, ça? Pour moi, ça fait beaucoup de choses, hein. Oui, mais c'est une entrée en matière, déjà. Hein. Il y a déjà de quoi dire, et puis pour qu'on ait de quoi débattre avant que je vienne sur Auray. D'accord. Donc, je pense que je viendrai probablement vers la fin janvier, quelque chose comme ça. Donc, je vois avec l'accueil où est-ce que je peux crécher. Quoi. D'accord. D'accord pour le 7, ok. La porte, la fontaine et l'accrochage sur les grilles, c'est ça que tu vois? C'est ça. Mm-hmm. Bonne idée. Même s'il y a des dessins qui vous viennent dans les doigts, pourquoi pas, on peut se les partager. Enfin, c'est très pratique. Quoi. Voilà. On arrive dans le pratique. D'accord. Impeccable. Bon, avec plaisir. Un grand merci à vous, c'était un bon moment, encore on a fait marcher la boîte à fumée, hein. C'est bien. Oui. Il faut que la fumée soit blanche, mais... Ah ouais, mais il faut aller dans le sens du vent, là. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, passez du bon temps. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Passez quand même des bonnes fêtes, quoi, parce que... Il y a quand même un truc que tu aurais pu aborder, Philippe. C'est ce rite de passage entre le 31 décembre et le 1er janvier qui est... Bon, je sais pas. Mais c'est une idée que je te soumets pour l'an prochain. Ah, mais ce rite, en fait, on va avoir l'occasion de le faire, parce que, enfin, de vivre quelque chose, puisqu'en fait, on se retrouve à deux. Eh ben, c'est formidable. C'est fantastique. Hein, c'est formidable. C'est bien. Et toi, tu passes le premier de l'an en famille, Roderick? Oui. Avec les poules. Oui, c'est à tour de rôle, un petit peu. À tour de rôle, avec les masques. Enfin, c'est toute une histoire. Les petits chopent des virus, des bactéries partout. Ah. Mais on ne le voit pas. Par contre... Ils transmettent bien. Bien sûr. C'est une complication. Bien sûr. Bien sûr. Allez, salut à tous. Bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir, Philippe.